Dites-moi, Charline, est-ce que je peux le faire ? Ah bah écoutez, il y a du public, alors profitez-en, Laetitia. Hey, salut Lille ! Ouais. Ouais, je suis trop fière. Quel succès ! Ouais, je sais. Ouh là là là là, vous déclenchez les foules. Je sais. Nous sommes à l'Opéra de Lille, dans le foyer qui est comble. Et le public qui a la banane, parce que figurez-vous que le cours de la bière et du moule frites se porte pas mal ici aussi. Et écoutez, et on a beaucoup travaillé pour ce déplacement à Lille, beaucoup travaillé. Écoutez ce qui s'est passé ce matin. Nous avons fait la conférence de rédaction dans le train. Bon, ça va, tout le monde est dans le train, on n'a rien oublié. Bon, ouais, ça va. On va à Lille, c'est pas le bout du monde. Hein. Oh bah quand même. Ah ça y est, la baronne se plaint déjà. Mais ça pas y du tout, pas du tout. Moi ça va, de toute façon, ce week-end, j'ai refait mes vaccins. Alors oh, en fait, le vaccin pour Lille. Oh, le Nord-Pas-de-Calais, je préfère anticiper. Non mais arrête de te plaindre, en plus on va à l'opéra, madame la baronne, c'est bon. Quelle chance, surtout que je n'ai jamais vu madame T'as Butterfly. T'as jamais vu madame Butterfly. Laisse-moi terminer ma phrase. Je n'ai jamais vu madame Butterfly parler ch'ti. Mais arrêtez, c'est quand même pas si des paysans. Quand même, pour moi, c'est exotique. Ah bah oui, quand on vient d'Aubagne, oui. Oui, mais moi, c'est la première fois en fait que je monte au-dessus de Paris. Mais on t'en a parlé quand même déjà. Oui, mon grand-père, il a déjà été, et il m'avait dit comme ça avec son accent. Il fait froid là-bas, parfois il fait moins 30, moins 40, moins 50, ma petite pitchounette. Là-bas, c'est le nord. C'est bizarre, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Bon, ça va, je crois qu'on a fait le tour là. Oui, hein. Oui, ce sont des gens normaux. Ouais. Bah, le bête, vous dites ça parce qu'ils vous ressemblent. Bah oui, mais c'est ce que je dis, des gens normaux. Bah oui, oui, puis on est très fiers de leur ressembler, figure-toi. Et vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, il y a une partie des Français qui ressemblent à des Belges. Sacré coup de peau, ouais, quand même. Ouais. Et toi, Fromet, t'as prévu quoi là ? Bah, moi, une chanson hommage à Lille. Ah, aïe, voilà. Aïe. Est-ce qu'on peut écouter d'abord, s'il te plaît, parce que... Dans l'île, les enfants couchent avec leurs parents, non, c'est le pays. C'est bien, c'est bien. Non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul. Et j'en ai assez qu'on se moque du Nord, exactement. Ok. Et de mon équipe, en plus. Ça suffit. Voilà, je veux qu'on soit une famille. Je veux qu'on s'aime, merde. Ça y est, c'est les vieux réflexes du Nord qui reviennent, ça. Quoi ? Bah, les familles, qu'on s'aime, ça va pas. Non, on n'est pas une émission basée sur les clichés, je vous signale. Ça, c'est la première bonne vanne de l'émission. Tiens, Charline, même moi, je peux pas te suivre. Tout le monde me lâche. Heureusement, il y a le public à Lille. Bonjour Lille, nous sommes en public depuis l'Opéra de Lille et vous écoutez l'émission qui brise le cristal de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont finir en morceaux jusqu'à 18h. Et ici je peux dire 8. Le congrès du PS se tient à partir de vendredi à Poitiers. Alors depuis qu'elle est rentrée dans le rang de la motion A, comment va Martine Aubry ? J'ai pas le cœur à la fête, donc Martine va aller se coucher, Martine va fumer un pet, Martine va essayer de dormir, Martine va regarder la télé ou Martine va se passer un DVD. Le chômage est le nouveau héros des films français, mais la loi du marché n'a pas plu à Laurence Parisot, qui accuse le film de se faire de la thune sur le dos des chômeurs. L'ex-patronne du MEDEF se pose donc une question essentielle. Où vont aller les bénéfices du film ? Où avez-vous appris à dire autant de conneries ? Cet été, vous aurez le choix entre la vaste plaine des grands festivals du rock ou les charmants petits coins de verdure qui accueillent les boutiques festivals. Exemple. Je vais m'occuper du festival Moutarde et Cinéma. Ah, c'est passionnant. Et ça parlait de quoi ? De Moutarde et Cinéma. Voilà. Oh, on vous donnera bien sûr l'adresse où aller voir ce festival Moutarde et Cinéma. Et pour découper ces trois informations, je suis accompagnée du ténor de salle de bain, Alex Vizorek. Bonjour Charline, bonjour Lille. Et je salue aussi tous les gens qui nous regardent depuis la place devant l'opéra, car nous sommes rediffusés, on a les moyens ici, c'est pas un congrès de l'UMP. Alors, à 17h20, celle qui peut tout expliquer sans rien comprendre, et c'est donc pas un hasard si c'est une femme et qu'elle vient du Sud, c'est Nicole Ferroni. Oui, monsieur Vizorek, je vous apprendrai aujourd'hui comment, scientifiquement, ne plus rater sa fête des mères. Ah bah ça me fait scientifiquement, plaisir. Bien sûr. À 17h30, il est capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et parfois même, il fait parler des choses. Son objectif aujourd'hui à Lille, faire dire à un maroilles que le camembert, ça sent vraiment pas bon. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour à tous. Royal. Alors je me suis promené ce matin dans Lille et plus précisément au marché de Oisem où j'ai demandé son avis à une passante sur les habitants du quartier. C'est tout des pourritures. Voilà, ça me paraît un petit peu clair. Et à 17h40, elle, je suis prêt à tout pour la séduire et dans toutes les langues. T'es vraiment une belle fille, tu sais. Quand je te vois, je braro. T'es à m'goût. Clara Dupont-Meno. Au secours. Bon, encore un échec. Vous pouvez nous excuser. De quoi on va parler ? On va parler de la littérature du Nord, et parce que justement Lille a une littérature très très chaude, et surtout au Moyen-Âge. Et enfin, exceptionnellement pour un mardi, on a libéré Frédéric Fromet qui viendra nous faire une petite chanson sur Lille ou sur autre chose, surprise à 17h55. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un rockeur de la République. Vous êtes né sous Giscard et Baudouin Ier, puisque vous êtes français, né à Bruxelles. Vous fondez le groupe Skip the Use en 2008, c'est l'année où les ch'tis battent tous les records d'entrée au cinéma. Vous sortez votre premier album en 2009, quand le groupe Oasis s'évapore. Vous recevez une deuxième victoire de la musique pour votre deuxième album en 2013, c'est l'année où Albert II de Belgique abdique. Et on pensait pas qu'il partirait si tôt. Mais vous êtes, je vous laisse nous le dire. Je suis Baudouin III. Bienvenue, Votre Altesse. Merci. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. C'est vrai que vous êtes le king de Lille un petit peu. Matt Bastard avec non, nous. Non. Mais ça me fait marrer, parce que tout à l'heure vous dites des nouvelles de Martine, parce que ma mère elle s'appelle Martine. Ah, j'ai l'impression que vous parlez de ma mère, c'est génial. Je vous en donnerai tout à l'heure. Mais c'est votre mère, vous habitez Lille. Ok, c'est ma mère. Ouais, il y aura des jeux de mots. Matt Bastard du groupe Skip the Use est avec nous. Vous vivez entre Lille et Los Angeles, en passant un peu par Ronchin aussi, qui est pas loin. C'est là où il y a maman. Ouais, voilà. On dit bonjour à Martine, à Ronchin. Salut, bien sûr. Voilà. Alors, vous allez partir en tournée dès ce soir, d'ailleurs, quand vous quittez. Enfin, là, on fait quelques dates, on va en Suisse, et après, on a de la chance, on va à La Réunion. Ça, c'est cool. Ah. C'est gentil pour les Suisses, ouais. En tout cas. Et vous serez en concert gratuit, Place de la République à Paris, le 21 juin, et aux Eurocaennes de Belfort, le 3 juillet, notamment. Et puis, vous sortez Little Armageddon Tour, sorti en CD et en DVD, ça c'est pour le live. Ouais. Alors quand on est punk rock, est-ce qu'on fréquente parfois l'opéra ? Nous sommes à l'Opéra de Lille aujourd'hui. Bon, je suis souvent venu avec mes parents ici. Et puis je crois que quand j'étais au collège, j'avais gagné un concours de rédaction et j'ai eu le droit de venir voir un truc ici. Mais je me souviens plus bien de ce truc. Ça vous a pas marqué ? Si, je me souviens du moment, mais voilà, je sais que je suis venu avec mon école, avec ma classe. Et alors, vous serez l'ambassadeur de la région lilloise lors de l'Euro 2016. Et je sais que vous êtes Je suis super fort au foot, c'est ouais, pour ça. C'est vrai ? Non. Alors, vous êtes quelqu'un que vous exprimez souvent sur les choses de la société, la politique, etc. Est-ce que les valeurs du foot aujourd'hui, vous allez devoir les porter pour l'Euro 2016 en tant qu'ambassadeur Je me garderais bien de porter les valeurs du foot. Ouais. En même temps, je pense que... voilà, moi je viens de la région Nord-Pas-de-Calais, j'en suis super fier et je trouve que c'est une super région parce que c'est une région qui a connu beaucoup de difficultés et qui a créé aussi l'entraide. Ça vient d'ici, le monde ouvrier, les mines, etc. Mes parents, mes grands-parents, on a tous été élevés là-dedans. Et donc ça donne des crossovers de société, ça donne des gens comme nous, comme tous les gens qui sont là. Et c'est plutôt le monde du foot qui avait envie d'avoir ces valeurs-là dans le football. Alors, ils m'ont dit, voilà, nous, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui représente ça. Et donc... ça m'a fait pas super mal d'entraide plaisir. À la FIFA aussi, on a pu le remarquer. Ouais, c'est super cool. Donc voilà, c'est presque bon. Quoi. C'est vrai. Alors quand vous parlez de la région Nord-Pas-de-Calais, justement, vous vantez la région de l'empathie. Ouais. C'est ça aussi, parmi les. En tout cas, c'est comme ça que moi je la vois. C'est, je veux dire, à un moment donné, quand il y arrive des très très grosses galères. Soit on se renferme sur soi, soit on crée un parti politique d'extrême droite, ou soit on va taper chez son voisin qui potentiellement a la même galère que toi et peut-être une solution. Bah nous, je crois que dans notre région, on a plutôt envie de taper à côté et c'est ça qui est cool. Ce qui ne veut pas dire que ça fait avaler les pilules plus facilement, mais au moins on est ensemble. Matt Bastard, Skip the Use. Alors vous nous faites un cadeau aujourd'hui, vous nous offrez un live, c'est-à-dire là. Là, tout de suite, ouais, allez-y, prenez votre temps parce que vous dites aussi être punk, c'est aussi arriver tout seul avec sa guitare sèche et faire sa chanson. Et c'est ce que vous allez faire tout de suite sur France Inter pour nous à l'Opéra de Lille. Nous sommes dans le foyer, dans un foyer rempli à ras-bord. Il y a même des gens dans les escaliers, j'en vois partout. C'est la première fois de ma vie que je joue à l'Opéra. Alors c'est parti. Je suis venu te dire, faut être heureux. Alors arrête de courir et de croire que tu iras mieux. Je suis venu te dire faut être heureux. Et on n'a qu'à sourire en se disant que c'est qu'un jeu. Dans mon canapé, une bombe devant les yeux. Comme un camouflé, un mensonge pour croire en Dieu. Et que j'ai vomi mes rêves trop pieux. Je suis juste venu te dire, faut être heureux. Parce que y'a des paroles en l'air, un souffle et plein de gens hargneux. Du vent, des idéaux saisis au vol, tu sais, pour aller mieux. Ils ont cru voir la mer. Et puis pour eux, bah, c'était somptueux. Parce qu'il y a un ruisseau qui coule au fond de tes yeux. Et puis, une lumière qui crame au creux de tes joues. Et tu sais, eux, ils voulaient juste la voir avant de devenir fous. On est venu vous dire pour ça, les gars, faut être heureux. Alors on lève nos verres à tous ces gens parfaits. Cupide a servi un système qu'il est paix. On crie notre haine aux yeux de la justice. On marche solidaire, même si des fois, eh ben on n'y croit plus. Et on boit leurs paroles non digérées. On vide leurs images téléchargées. Pendant qu'ils créent des situations mieux négociées. Et que Marine, elle nous dit que ça va péter. Oh, on est venu lui dire, tu sais, faut être heureuse. Rien à foutre, tu sais, moi je veux lire au fond de tes yeux. On est venu lui dire, faut être heureuse. Et puis après on verra. Qu'est-ce que tu veux? C'est des conneries. La vie elle est belle et c'est tant mieux. On est venu leur dire, faut être heureux alors. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez. De Skip the Use dans le foyer de l'Opéra de Lille. Merci pour cette première à l'Opéra. Ben, j'espère que Madame Butterfly va bien chanter ce soir parce que vous avez mis la barre très très très haut. Ça c'est quand même hyper énervant parce que nous on fait des blagues donc toutes les filles nous aiment bien et il y a un mec qui arrive avec une guitare et qui ramasse tout. Vous faites du bien, ouais. Matt Bastard sur France Inter, il est 17h21. Et tiens, en parlant de musique, nous sommes à l'Opéra. Je vous signale que vendredi 12 juin à partir de 8h, France Musique sera dans la place avec la matinale de Vincent Josse au Furet du Nord et puis il y aura aussi le Carrefour de l'Odéon à 16h. Nous sommes en compagnie de Matt Bastard, Skip the Use et puis nous, bon, enfin pas de la guitare mais on fait des blagues avec l'actualité, c'est ça, autre c'est chose. Bien, ça, bon, on vous bien. Donne un aperçu. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas. Mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence tout de suite. Ben oui, c'est même vous qui commencez. On commence par une bonne nouvelle. Éric Woerth est promu chez les Républicains. Ah bah je comprends, pour une fois qu'il en tienne un vraiment honnête. Très bien. Alors sans transition, passons plutôt à Thomas Thévenoud. Si Thomas Thévenoud, ce matin, il est enfin venu s'expliquer sur sa terrible maladie. Il était sur iTélé chez Bruce Toussaint. Vous êtes sur ce plateau, vous avez l'air d'un garçon normal, équilibré. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour qu'à un moment donné vous disiez bon bah c'est pas grave, je verrai ça l'année prochaine? Parce que la vie d'un élu aujourd'hui, elle se mène à 150 à l'heure. Mes week-ends, je les ai passés à faire des permanences, à recevoir des gens, à essayer de faire en sorte que des gens s'en sortent mieux, à faire des interventions auprès de l'administration fiscale pour leur obtenir des échelonnements, pour faire en sorte que eux puissent s'en sortir. C'était donc. Une grande méprise, en fait. Il ne payait pas ses impôts parce qu'il était trop occupé à aider les autres à payer les leurs. Voilà. Et Bruce Toussaint a gobé ça, lui. Non, non, il n'y a pas cru et il l'a fait savoir. Thomas, n'était pas bonne. Si tous les gens qui ont une vie trépidante ne payent pas leurs impôts, ça va être compliqué, vous le savez très bien. Argument qui tient pas beaucoup la route. Ça, hein. Mais c'est pour ça que je m'en excuse et je m'en reprends tous les jours. Tous les jours, Bruce Toussaint. En me regardant dans la glace le matin et encore ce matin, je me repens de mes fautes. Voilà. Oh. Et je m'en veux. Et j'ai honte. Oh. Et le César du meilleur acteur dans le second rôle masculin de la politique, c'est pour Thomas Tiff. Bon Alex, nous sommes dans le Nord, j'imagine donc que vous avez survolé la presse locale. Oui, qu'est-ce qui s'est passé par ici ? Wascal, il vole du matériel à Carrefour et tente de se le faire rembourser. Ah, et donc concrètement ? Alors concrètement, le type, il rentre dans le magasin, il enlève l'antivol et puis il va à la caisse, il dit j'aimerais bien me faire rembourser ce produit. Ah oui, c'était une bonne idée. Hein. Oui, ben, on sent qu'on n'est pas loin de la Belgique hein, quand même. Oui, alors... très bien, merci. Autre chose ? Oui, Dunkerque, Alex Béat en lice pour devenir Mister Univers de bodybuilding. Ah, bah c'est bien, champion local. Oui, bah en plus, d'après l'article, il revient après 5 ans suite à une fracture des cervicales. Les cervicales ? Oui, attention, il ne faut pas comprendre cervicale et cérébrale. Hein, c'est ah, bodybuilding. Bah oui, évidemment. Une dernière du coin, peut-être ? Oui, Cuc, des phénomènes inexpliqués sèment la pagaille dans une station-service. Des phénomènes inexpliqués. Voilà, je vous le lis comme c'est écrit. Hein. Le gérant de la station-service explique qu'il était seul, l'informatique des pompes a lâché, ensuite la caisse est tombée toute seule par terre, la télévision a explosé, les bouchons de toutes les bouteilles d'huile et de liquide de refroidissement de la station ont sauté. C'est bizarre, non ? Oui, et ça nous permet de rappeler évidemment les ravages de l'alcool dans toutes les régions de France. Et on termine par l'international que vous retrouverez de manière un peu plus sérieuse à 18h, ici toujours à l'Opéra de Lille, avec Nicolas Demorand, mais en attendant une info internationale de pointe, parce que nous c'est de pointe. Probablement bon, qu'il va faire un gros dossier là-dessus, Nicolas, mais je vais juste faire la brève. Un rabbin vend des sextoys cachers à destination des couples juifs. Très bien. Et donc, quelle est la différence avec les accessoires sexuels pour les goy, alors ? Alors, j'ai pas très très bien compris l'article, mais j'imagine que si c'est pour faire jouir des mères juives, ça doit être des sextoys avec le nom de leur fils écrit dessus. Si alors, avant qu'on soit évacué de l'Opéra de Lille... On n'a dit pas de blague sur l'inceste dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, merci. Oui, c'est ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et on met l'actualité dans la prise en compagnie de Matt Bastard de Skip the Use. Premier sujet avec vous, Matt, Lille et Martine Aubry. C'était un petit peu un État socialiste dans l'État socialiste. Puis elle est rentrée dans le rang, dans la motion A. Alors, puisque nous sommes à Lille, à 3 jours du congrès du Parti Socialiste, on se demande, mais où est passée Martine ? Mais t'es pas là, mais t'es où ? Mais t'es pas là, mais t'es où ? Mais t'es pas là, mais t'es où ? Oh, t'es où, Martine ? T'es où, Martine ? Mais t'es pas là, mais t'es où ? C'est Vianney, bien sûr. Les gens se crispent hein, dans la salle. Matt Bastard, vous avez pensé à votre maman, peut-être, à Martine ? Non, ça c'est lui a ronchin. La chanson, elle est ouf. C'est elle est ouf. Et c'est la playlist France Inter. Donc ouais, c'est non, une question qui se pose quoi. Non, mais bah elle est là, on s'est pris une carotte. Enfin, elle s'est pris une carotte au départemental. Il y a une Marine qui va sûrement se présenter ou foutre quelqu'un du même genre dans le coin. Et elle a pas envie que, je pense que ça. Ça passe, alors elle essaye de rentrer un peu dans le rang. Donc vous comprenez que celle qui incarnait un petit peu le côté c'est rebelle... C'est mon analyse du truc. Elle est fine. Maintenant, je pense que nous... Enfin, je ne sais pas si nous, on est comme ça. Nous, en tout cas, dans la région. Je suis sûr qu'on n'est pas comme ça. On est plutôt fiers... je ne sais pas comment expliquer. Mais est-ce que vous pensez que la révolte peut résister à la politique ? Est-ce qu'une forme de révolte sincère et pure peut résister à l'épreuve de la politique ? Bon, en tout cas, quand il y a eu la révolte des mines, c'est un fait, quoi, ça existait. Tout le monde en a chié, mais voilà, ils ont eu gain de cause. Et donc oui, moi j'y crois. Enfin, le 11 janvier, la manifestation, j'y crois. Ça existait. C'est ce qui est. Enfin, quand je faisais carving, je fais toujours carving depuis 22 ans. Je fais mon groupe de punk et on fait des chansons et tout le monde nous dit oh là là. Vous êtes des ados attardés, des utopistes, etc. Moi, le 11 janvier, devant ma télé, j'ai fait merde. Voilà, c'est... Et d'ailleurs, vous avez fait une chanson après. J'avais déjà fait la chanson, mais on a fait un clip, il y a eu un clip qui a été fait plutôt avec ces images-là. Mais voilà, c'était un fait. Ça, c'est arrivé, on a su le faire. Alors après, on l'a très vite oublié. Donc, ça vous agace qu'on ait oublié ça? Vous auriez. Bah, c'est pas que ça m'agace, ça m'attriste, ça me fait peur, ça me fait super peur. Pour revenir à Martine Aubry, vous qui êtes une figure, vous avez à peu près l'âge où vous l'avez connue comme mère beaucoup, on sent en tant qu'habitante du coin son attachement à cette région, à cette ville. Qu'elle soit attachée à cette région. Enfin, qu'on la voit souvent ici, qu'elle a fait beaucoup évoluer les choses. Bon, je pense qu'elle est, je pense que c'est quelqu'un qui s'est investi dans la région. Après, de son action politique, on a tous notre point de vue là-dessus. Moi, j'ai toujours voulu être apolitique. J'ai jamais voulu soutenir personne pour pouvoir critiquer tout le monde. Donc, je vais pas commencer aujourd'hui, mais alors je sais pas si c'est son fait, mais il y a des choses qui sont incroyables à Lille. Vraiment incroyables. Notamment au niveau de la culture, c'est un vrai carrefour. On a accès à plein de choses. Bah, regardez ce lieu. C'est on est ouf. Dans l'opéra. Voilà, et on a accès à beaucoup de choses. Sans parler des gaufres. Parce que tout à l'heure, on a fait la razzia des gaufres et on aime Lille. Hein. C'est bon. Les gaufres tutes que d'ailleurs, Martine Aubry nous a envoyées en essayant de nous corrompre, mais nous ne laisserons pas corrompre. Mais tu sais que c'est. Mais on la remercie en tout cas de nous accueillir dans le foyer de l'Opéra. C'est les gaufres officielles de Son Altesse de chez vous. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Elles sont délicieuses, les gaufres tutes de Lille. On vous les recommande. Matt Bastard est avec nous jusqu'à 18h dans le foyer de l'Opéra de Lille, en public, n'est-ce pas ? Et c'est le moment de Nicole Ferroni. Oui, écoutez, moi, je voudrais revenir sur le séisme scientifique là, de ce dimanche dernier qui s'est produit à l'occasion de la fête des mères, hein, qui a vraiment divisé la gente maternelle, les mamans, en deux groupes opposés selon qu'elles ont été consternées ou conquises par le cadeau de leurs enfants. Vous avez vu, on fait des petits cris de joie. Waouh, que c'est mignon ce collier de nouilles. J'aimerais tellement que mon enfant puisse rester un enfant toute la vie, quand d'autres se sont dit aïe, aïe, aïe, encore un collier de nouilles. Vivement que mon enfant devienne adulte pour m'offrir une Rolex. Et en fait, ces deux problématiques opposées permettent en fait de faire jaillir une seule et même question. Peut-on avancer ou retarder le passage à l'âge adulte de son enfant, sa puberté? Et si oui, comment faire? Explication. Donc, selon les deux cas, la science ne répond pas à la même chose. Donc, si vous êtes une mère plutôt déçue par votre progéniture, que vous trouvez que vos enfants sont plutôt médiocres et qu'à l'occasion de la fête des mères, vous êtes rendu compte que leurs quelques rares cadeaux ne compenseront jamais l'investissement financier que vous avez fait pour eux, c'est-à-dire que même en revendant les colliers de nouilles, vous ne rembourserez jamais la poussette. Dans ce cas-là, si vous voulez que vos enfants soient frappés le plus tôt possible de la puberté, et bien sûr, concernant cette problématique, c'est dès 2007 que la science, enfin en tout cas l'INSERM, nous apporte un élément de réponse dans cet article nommé « Obésité et puberté », dans lequel il t'expliquait que plus les petites filles présentent un tissu graisseux développé, plus leur puberté peut se déclencher précocement. Donc, quiconque est déçu par le cadeau de sa fille à la fête des mères peut tenter d'accélérer son passage à l'âge adulte en lui refourguant une bonne dose de gras quotidiennement. C'est-à-dire que pour le goûter, vous lui proposez un beignet, mais non pas accompagné d'un verre d'eau. Vous lui dites, prends plutôt un grand verre d'huile pour te désaltérer. Et ainsi, tu deviendras femme, ma fille. Et à force de persévérance et surtout de gras, vous allez pouvoir accélérer son passage à l'âge adulte et vous épargner de nouveaux colliers de nouilles pour l'année prochaine. Le problème, bien sûr, c'est que toutes les mères ne sont pas anti-colliers de nouilles. Il y a au contraire des femmes qui apprécient ce type de cadeau et qui aimeraient que leurs enfants restent cette petite chose neuneux et sans acné pour des siècles et des siècles. Et jusqu'à la semaine dernière, pour ces femmes-là, la science ne proposait aucune solution. Heureusement, Futura Science vient à votre rescousse en vous apprenant cette semaine que l'université du Wyoming vient de trouver un facteur retardant pour la puberté, à savoir le sel. Une forte consommation de sel entraîne un retard de puberté. Alors, pour l'instant, ce constat n'a été fait que chez des rats. Dans l'expérimentation, des rats ont reçu quotidiennement une dose de sel 4 fois supérieure à la moyenne conseillée, et ceux-ci ont connu d'importants retards de puberté par rapport aux autres rats. Alors vous allez me dire, oui, mais comment peut-on distinguer un rat pubère d'un rat qui ne l'est pas, dans la mesure où tous les rats sont poilus, et que la puberté, au sens strict, c'est la pubescence, c'est la venue du poil, et tout simplement en analysant leur comportement de rat, qui peut être révélateur sur le passage à la puberté. Les rats pubères peuvent se distinguer des autres dans le sens qu'ils deviennent plus insolents, fument des joints, roulent en scooter, et ce, sans casque. Et donc, par cette découverte, toutes les mamans désireuses de garder leurs enfants plus longtemps pourront le faire tout simplement en le gavant de sel, c'est-à-dire en ne mettant pas juste son grain de sel dans la vie de son enfant, mais en y mettant la salière. C'est-à-dire, chérie, combien veux-tu de lardons dans ton petit suisse, par exemple? Vous voyez, pour préserver ce côté infantile et fragile du bambin. Et voyez, et par ces deux découvertes, et ben, du coup, votre fête des mères ne sera plus ratée. Alors, bien sûr, tout le monde va dire, ah bah oui, mais c'est bien gentil pour les mamans, mais est-ce que ça n'est pas un peu barbare pour les enfants? Oui, c'est vrai. Mais enfants, ne vous inquiétez pas, si vous êtes sage, je vous apprendrai un jour, c'est véridique, comment ménoposer précocement votre mère avec un extincteur ou du vernis à ongles. Voilà. En direct sur France Inter, à Lille, dans le foyer de l'Opéra et en compagnie de Matt Bastard et Steve The Hughes. Vous allez retrouver Guillaume Meurice dans les rues de Lille dans quelques instants. Et là, vous allez moins rigoler, je vous préviens. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur de ciel. Fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard. Il est 17h36 à Ronchin, où on salue la maman de Matt Bastard, qui est c'est avec nous. Je vais faire un collier de nouilles. Vous vous rappelez d'un cadeau de fête des mères que vous auriez fait à votre maman, qui serait de cet acabit-là, du collier de nouilles? Non, bah, des trucs à l'école. Bon, après, vous lui ferez des chansons. Moi, je suis un peu le roi pour arriver le lendemain, ou un truc comme ça. Ah oui, bon. On est un peu comme ça dans ma famille. C'était pas ton anniversaire hier. En tout cas, demain, vous serez en concert en Suisse, les Vénards, et puis en concert gratuit Place de la République à Paris le 21 juin, aux Eurocayennes de Belfort le 3 juillet. Et puis je rappelle Little Armageddon Tour, c'est le live sorti en CD et en DVD. Et à cette heure-ci, Matt Bastard, écoutez, il y a Guillaume Meurice. Oui, bonjour. Qu'on a lâché dans les rues de Lille ce matin. Il est arrivé beaucoup plus tôt que nous et je ne sais pas si c'était une bonne idée pour nos amis lillois. Un reportage arrosé de Guillaume Meurice et tout de suite, c'est maintenant. Bonjour, bonjour Lille, bonjour le Nord-Pas-de-Calais. Ah, le Nord-Pas-de-Calais. Pour un humoriste, c'est un petit peu le Graal, parce que c'est vrai que votre région véhicule beaucoup de clichés, on en a parlé, hein. Par exemple la consanguinité. C'est vrai, on entend souvent dire que votre groupe préféré c'est NTM, nique ta mère. Non, les gens médisants disent ça, attention, hein. Ils disent aussi qu'à Lille, il y a des quartiers qui craignent, mais bon, faut pas exagérer non plus. Moi je suis allé ce matin au marché de Oisem. Que pense cette brave Lilloise des habitants du quartier? C'est tout des pourritures. À Ouazem ? Ouais. Mais pourquoi ? Quoi, pourquoi ? Ils m'ont volé ma sac, ils m'ont viennent arracher ma banque. Mais qui vous a fait ça ? À qui ? Ben, c'est le Soro, mais ils ont déjà une peur, je le dis. Oula, alors attendez, parce que là, on ne comprend pas qu'est-ce que vous avez dit. Il y aura déjà une purge, je te le dis, il y a belle lurette. Alors, il y aurait déjà une purge, il y a belle lurette. Alors, moi, je ne suis pas bilingue, en fait. Hein, donc Matt, je, Matt, vous avez une idée, vous avez... Un tout petit peu de mal. Si elle l'avait su, elle l'aurait attrapé, elle l'aurait. Ouais, on comprend l'idée, quand même, générale. Alors, autant qu'on supprime le latin, moi, je m'en fous, hein, parce que c'est... Non, mais c'est vrai, c'est hyper rare de croiser Sénèque au marché de Ouazem. Ah oui. Mais par contre, on devrait apprendre le ch'ti dès le plus jeune âge. Hein. D'ailleurs, puisqu'on parle du plus jeune âge, autre cliché véhiculé sur votre région, hein, vous me voyez venir, la pédophilie. C'est vrai, hein. Bah oui, on dit que vous avez une passion pour les mineurs, hein, qui n'a aucun rapport avec les mines de charbon. Les médisants disent ça. Qu'en pense cet autre passant ? Ben écoutez, vous avez remarqué tout à l'heure, la greluche qu'on a branchée, là, bon, quand vous voyez le cas, vaut mieux aller au zoo. Hein. Ouais, mais de là à prendre des petits garçons et des petites filles. Ah, mais là, il faut voir avec monsieur Alain, là. Ah, c'est monsieur Alain ? Oui, monsieur Alain, bientôt il va aller chercher à la maternité, il pourra choisir. Alain ou à quoi ? Alain ou à l'autre ? Alain ou à l'autre, excellent, excellent. Alors, je sais pas pourquoi, mais je me suis immédiatement dit que j'allais bien m'entendre avec Alain, parce qu'il est pas seulement humoriste, il est aussi chanteur. J'avoue mes deux pieds d'as-bouchette, d'as-craquette, d'as-craquette. Bon, et la traduction, alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si elle écarte les fesses, on lui met dedans. Voilà, alors dès qu'on n'est plus en ch'ti, on comprend mieux l'idée générale, hein, si vous voulez. Pas répéter parce que moi j'ai pas entendu. Non, non, répète pas. Non, parce qu'il y a. Mais j'ai pas entendu, moi. Non, mais écouterez l'émission le podcast. Voilà, c'est mieux. Parce que je sais pas si j'avais vraiment envie de comprendre compris, en fait ce qu'il disait. Ouais. Ne mettez pas les autres dans l'ennui. Ouais, c'est gênant. Et c'est d'ailleurs pas la seule expression, vous allez pouvoir vous rattraper, Charline, c'est pas la seule expression que connaissait Alain. Un bucket, un petit haut bisou. Mais pas sur le cul, hein. Ah, je te bisou, où ça ouais. Ah ben, on le fait quand même, on le fait où on peut. Si elle enlève ce marron, on le met, on lui fait une buquette. Voilà, bah là, j'ai rien pigé, par exemple, mais j'ai pas fait l'erreur de lui demander, vous comprenez ? Ah, voilà. Alors, je vais pas vous mentir non plus, à ce moment-là de l'interview, j'étais plus vraiment sur le marché de Ouazem, mais dans un bar juste à côté. Moi, j'ai pas compris. Ouais, où Alain et ses amis m'ont cordialement invité à goûter les spécialités locales, hein, notamment le mélange bière rosée à 11h du mat. C'est un petit peu rude, mais bon, ça fait plaisir quand même. Je commençais à avoir la tête qui tourne un petit peu, mais en bon professionnel, j'ai continué mon investissement. En demandant à un jeune homme son expression ch'ti préférée. Va carrois 5. Oula, ça veut dire quoi ça ? Ben, va chercher la serpillère pour laver le sol. Ah, ça, c'est votre expression préférée ? Ben, c'est une des miennes. Après, prends le cahier, ça veut dire prends une chaise. Une tanote, de toute façon. Voilà, donc là non plus, j'ai rien pigé parce que déjà que le ch'ti à la base, c'est pas facile. Mais le ch'ti, quand on a 3 grammes et que son interlocuteur en a 12, alors là, c'est carrément mission impossible. Et puis lui, il avait bien l'accent, hein. Vous avez vu, c'était un vrai de vrai, hein, n'est-ce pas ? Un vrai de ch'ti, je m'appelle Johnny Cabaret. Johnny Cabaret ? Johnny Cabaret, c'est ma nom, ma prénom. Mais c'est votre vrai nom et votre vrai prénom ? C'est mon vrai nom, mon vrai prénom. Mais non, je vous crois pas. Ben, sur pièce d'identité, vous me croyez ? Sur pièce d'identité, je vous croirais. Vous vous appelez Johnny Cabaret, mais c'est incroyable. Je me la fais à l'idée. À la L.I.D. Ouais, parce que je m'appelle Johnny, je me fais à L.I.D. Pas mal, pas mal. Ah là, c'est pas mal. Hein. Celle-là, j'ai compris. Ah voilà, vu le niveau des jeux de mots, j'avais l'impression d'être tombé sur le collectif d'auteurs des chroniques d'Alex Vizorek. Bref, c'était un aperçu des rencontres qu'on peut faire à Lille un mardi matin. C'est assez festif, mais pas seulement, parce qu'un des habitués du bar est également un certain Patrick Kell. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant... Ancien juge de l'affaire Festina, de 98 à 2000. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé alors entre la fin de l'affaire Festina et aujourd'hui ? Disons que ma hiérarchie m'a poussé vers la sortie. Donc je suis tombé les deux pieds dans un piège. J'ai été révoqué, donc voilà, maintenant je ne perçois plus que le RSA. Et voilà, dans les bars de Lille, on trouve aussi ce que fait la justice française, des juges qui dérangent un peu trop. Je vous conseille d'ailleurs de lire son livre qui s'appelle « Du barreau au barreau », un jeu de mots, hein, décidément, c'est votre truc, ou aller discuter avec lui directement au bar chez Momo. On peut même se retrouver là-bas, parce que moi j'y retourne, figurez-vous, ne serait-ce que pour goûter les autres spécialités lilloises, la chaleur humaine, la générosité et le fameux picon calva de 18h. Merci Guillaume Meurice pour cet hommage rendu aux Lillois. Ouais. Matt Bastard. Voilà une bonne adresse. Ouais, mais c'est cool. Enfin, je veux dire, non, mais c'est comme ça, c'est notre folklore. Ce qui est surtout cool, c'est que si vous faites la même chose, Guillaume Meurice, en Corse, vous ne quittez pas Ajaccio. Oui, c'est pareil partout. Il y a tout le monde a ses petits... Voilà, mais bon, oui, c'est le folklore local. Mais c'est le regard tendre de Guillaume Meurice, d'ailleurs. Il est tendre, ne vous méprenez pas. Il sera à Mons-en-Barœul les 12 et 13 juin au Trait d'Union. Vous pouvez l'attendre à la sortie. Oui, allez vous venger. Et ce soir, si vous êtes à Paris, il sera en chair et en blague à la Nouvelle Scène. C'est ça. C'est une péniche amarrée au pied de Notre-Dame, le Vénard. On est ensemble jusqu'à 18h sur France Inter. Nous sommes en direct de Lille, dans le foyer de l'Opéra. Et on remercie à l'Opéra de Lille de nous accueillir si chaleureusement. Et on est avec Matt Bastard de Skip the Use. On va aborder avec vous le sujet numéro 2. Revenons un petit peu au sujet de fond, parce qu'on cherche des solutions pour la France. Oui. Le chômage est le nouveau héros du cinéma français. Le chômeur est pris d'interprétation à Cannes à travers Vincent Lindon. Mais pour Laurence Parisot, l'ex-patronne du MEDEF, le film La loi du marché est grand prix du film d'horreur sur l'entreprise. Quand il y en a ras-le-bol, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol, donc qu'est-ce que tu as décidé? Ben, j'ai décidé de me suicider, quoi. T'as suicidé, oui. Et donc tu faisais quel emploi? Avant, j'ai été pâtissier. Pâtissier, donc oui. C'est un emploi de pâtissier qui va se libérer? Oui, environ pour la fin du mois pour, Oh, ben, même avant, parce que... Avant, la fin de la semaine, on peut y compter pour la fin oui, de la semaine? Oui, je vais pouvoir attendre. Hein. Eh ben, merci Bruno pour ce joli petit coup de pouce à l'emploi. Les déchiens avec François Morel et Bruno Locher. Alors, Laurence Parisot, l'ex-patronne du MEDEF, dit que le film La loi du marché ne reflète pas la réalité. Elle dit presque qu'il est malhonnête dans une chronique sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, comme on dit. C'est un film d'horreur de l'entreprise. Alors, Parisot, tête de veau ou comment? Bah moi, je pense que si elle dit ça, c'est qu'ils ont réussi leur coup. Mais il y a surtout, quand on voit dans les articles, il y a plein de chômeurs qui se reconnaissent dans ce film. Exactement. Et ça permet aussi à ces gens-là d'avoir une visibilité, que quelqu'un parle alors que personne ne les écoute. Maintenant, si ça fait chier Laurence Parisot, bah c'est encore mieux. Enfin, j'ai pas de... Partialité, s'il vous plaît. Non, mais voilà, c'est pas contre tout. Moi, je vais lui dire un truc sur l'entreprise. Je pense surtout qu'elle ne représente absolument pas les patrons. Ils sont pas comme ça. Enfin, il y en a plein qui vont regarder ton histoire là, avec le juge qui finit chez Momo. C'est tragique. Quoi. On a tous rigolé comme ça. Ben, voilà, on peut tous, du jour au lendemain, on peut tous se retrouver comme dans ce film. Donc, tout le monde devrait aller le voir et peut-être avoir un autre regard sur la société. Et Laurence Parisot devrait le voir une deuxième fois. Effectivement, avec des lunettes. L'édito de Libération dit que ce film, c'est la mauvaise conscience française qui a un visage, celui de Vincent Lindon. Et effectivement, dans Libération datée d'hier et sa nouvelle formule, on salue nos confrères, comme on dit, eh bien, effectivement, il y a un chômeur qui explique que c'est comme une caméra cachée dans un Pôle emploi et c'est vraiment la réalité. Et apparemment, Laurence Parisot n'a pas mis les pieds à Pôle emploi depuis un moment. Ce qui est assez logique dans c'est le fond, pas étonnant, ce qui n'est pas étonnant. Il y a toute une catégorie du cinéma français. Quand on pense à Jamais de la vie de Pierre Jolivet, Ressources humaines de Laurent Cantet, est-ce que vous êtes sensible au fait que le cinéma français a presque une fonction journalistique, en fait, de montrer la réalité, une réalité précaire et pas très glorieuse? Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est un peu pareil dans la musique. Souvent, dans la musique, on nous demande de faire de l'entertainment. J'adore faire le con et me rouler par terre. Et puis, j'aime bien aussi, en faisant le con et me rouler par terre, de parler de sujets un peu plus sérieux. J'ai pas envie de me tirer une balle, mais au moins, vaut mieux en parler que s'en foutre. Et je trouve ça hyper bien que ça vienne de chez nous. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup, tu vois, notamment aux États-Unis, il y a de plus en plus une scène comme ça, alternative, qui commence à faire des films comme ça. Je sais que Ben Affleck, par exemple, il est assez... et ça, je vais pas dire que ça reste assez mineur, mais c'est en train d'arriver aussi là-bas. Donc, tant mieux, c'est cool que les gens se reconnaissent, se sentent écoutés et représentés. C'est hyper compliqué de se sentir représenté aujourd'hui. Et c'est bien ça, qu'il y ait des films. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, Matt Bastard. Pour justement pour en parler avec nous. On trouve des solutions finalement en équipe. On essaye. N'est-ce pas, Clara Dupont-Mono? On essaye. C'est votre moment parce que les solutions elles sont aussi dans la littérature. Oui. Et chaque jour à cette heure-ci. Eh bien voilà, c'est le moment livre. Et alors c'est l'actualité, c'est il n'y a pas de livre précis, mais il y a Lille, bien sûr, parce qu'elle nous accueille aujourd'hui. Et moi je suis très contente parce que c'est à Lille qu'est né un poète que j'aime beaucoup, qui était très politiquement incorrect. Son nom vous dit peut-être rien, mais vous allez voir, il s'appelle Jacquemart Gielé. Non, pas Braquemar, Alex Vizorek, merci de cette intervention brillante. Jacquemart Gielé est d'ailleurs une des rues de Lille porte son nom. Oui, on peut dire aux gens que c'est vous qui l'avez écrit. Mais je voulais pas la faire. C'est très bien. La rue Jacques Margiellet, elle existe à Lille. C'est une rue qui est tout près de la préfecture. Et lui, il était très spécial et je l'aime beaucoup. Il est né à Lille vers 1240. Et en fait, c'est un monsieur qui a grandi avec une histoire dans les oreilles, qu'il a entendue parce que c'est une histoire qui est née dans le Nord et qui a circulé dans toute l'Europe, qui était le best-seller de l'époque. Et cette histoire, c'est le roman de Renard. Alors, pour mémoire, Renard, c'est un des personnages les plus épouvantables de notre littérature. Il ment, il vole, il maltraite les plus faibles, il viole la femme du loup. Enfin bref, à l'époque, on l'adore parce qu'en fait, il brave tous les interdits de l'Église. Bon. Et d'ailleurs, cette histoire a eu tellement de succès au Moyen-Âge que le nom propre Renard est devenu nom commun. C'est pour ça qu'on dit maintenant un renard. Avant, on disait un goupil. Et donc, c'est l'équivalent du nom propre qui devient nom commun, comme un Kleenex ou un Don Juan. Là, ça, c'est pour vous, Alex Vizorek. Merci. Donc, on entendait le roman de Renard déclamé dans les tavernes, sur les marchés, certainement sur la grande place de Lille, d'ailleurs, et chacun ajoutait un paragraphe. Si bien qu'à l'arrivée, on a en tout 29 auteurs et 80 000 vers. Voilà ce qu'on a aujourd'hui en 2015. Et notre Jacques Margiellet, enfin votre Jacques Margiellet, lui, il décide d'apporter aussi sa pierre à l'édifice et il écrit 8 000 vers, ce qui est énorme, qui sont la suite de Renard. Mais lui, ce Jacques Mar, il a l'esprit encore plus contestataire que les autres, c'est un Lillois, hein, et il invente un renard encore plus atroce. C'est-à-dire que son renard, c'est un morphale qui avale des petits singes, il fornique avec les épouses de tous ses copains, il humilie les moines, c'est le seigneur du vice, c'est votre ami Alex Vizorek. Et en plus, il se trouve qu'il est pervers, parce que par exemple, ce qu'il fait, c'est que quand il séduit les femmes de ses copains, il leur envoie la même lettre d'amour. Donc c'est comme ça que la lionne, la femelle léopard ou la louve reçoivent la même lettre brûlante, et elles s'aperçoivent épouvantées que Renard, il a fait un copier-coller de la même lettre. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques années... Plus personne n'a fait ça, hein, c'est ça, oui, j'en suis sûr. Mais il y a quelques années, il y en a un qui a fait ça, c'est le chauffeur de Jacques Chirac avait écrit un livre sur ses mémoires, ses années passées avec Jacques Chirac, et il avait révélé que lors des voyages officiels, Chirac achetait le même collier en plusieurs exemplaires pour ses maîtresses. Et bien, 7 siècles avant Chirac, il y avait Renard qui exploitait déjà le filon en envoyant la même lettre à ses conquêtes. Et alors, en plus, cette lettre parodie le style des chevaliers courtois, il se fout complètement de leur figure, et évidemment Renard n'est pas du tout courtois, puisque finalement il va violer la lionne, et puis la louve, mais ça c'est une habitude pour lui, et quant à la léoparde, en fait il va se glisser dans son lit en se faisant passer pour son amant, et quand le mari, donc le léopard, fumasse, va coincer Renard en lui demandant des comptes, Renard va lui dire en gros, dis donc c'est la faute à qui si ta femme a besoin d'un amant. Bon, le raisonnement se tient, faut bien reconnaître, hein. Et puis alors ce qui est encore plus amoral, c'est que sous la plume de Jacques Margiellet, Renard il finit maître du monde, c'est quand même ça histoire. Il est maître du vice et c'est le mal qui domine le monde. Donc vous voyez, mine de rien, Jacques Margiellet, il s'en est pas seulement pris aux interdits de l'Église, c'est qu'il s'en est aussi pris à la bienséance des puissants, à la classe dominante de l'époque. C'est un peu le Jean-Luc Mélenchon médiéval, quoi. Et puis, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Je termine avec ça. C'est qu'au Moyen-Âge, toute cette France du Nord dans laquelle nous sommes, dans laquelle vous avez grandi, vous êtes né, vous y habitez, cette France du Nord, à Lille, mais aussi à Douai, à Lens, à Arras, ça a été le foyer d'une littérature, mais plus hot, c'est pas possible. Les fabliaux érotiques de l'époque s'appellent, je vous cite, « Celle qui fut foutue et défoutue par une grue », bon, ou ouais. « La demoiselle qu'il ne pouvait pas entendre parler de foutre », et bien sûr, elle va finir par en être couverte, enfin, on imagine. Et donc, comme quoi, élégant. Vous voyez, ouais, c'était les fabliaux érotiques, ils avaient peur de rien, et comme quoi, depuis le Moyen-Âge, le Nord, il a bien le sang chaud. Est-ce que vous êtes comme ça encore, les filles du... Il y en a une qui a hurlé. Merci Clara Dupont-Mono. Clara Dupont-Mono, dont on peut retrouver les chroniques sur franceinter.fr avec toutes les références des livres que vous nous conseillez. Cette littérature, on l'étudie à l'école? J'ai une question, enfin ça n'a rien à voir, mais pourquoi c'est les meufs les plus... Tu croirais que c'est la plus intello qui te dit le truc le plus dégueulasse. Clara Dupont-Mono, la plus intello, personne ne croit. C'est toujours comme ça, non, c'est vrai. Absolument pas. Elle c'est vrai, son bravo, jeu, merci. Mais je veux comprendre ça. Je sens que j'ai un rival. Matt Bastard est avec nous sur France Inter jusqu'à 18h. On va aborder avec vous le troisième sujet. On va reparler un peu musique cet été. Il y aura les grands messes du rock et ce qu'on appelle les boutiques festivals. C'est un petit peu la différence qui existe entre le Carlton de Lille, par exemple, et un petit hôtel de charme. C'est le boutique festival, c'est plutôt un concept original piqué aux anglo-saxons. Mais qui êtes-vous? Je suis Jim Morrison. Cool. Et lui, c'est qui? Un indien zarbi à moitié à poil. Cool. Pourquoi tu m'as amené ici? Pose-moi une question. Dis-moi, que faut-il que je fasse de ma vie? Tu devrais organiser un concert à Aurora, Wayne. Et comment est-ce que je fais pour faire venir les groupes? Suffit de les engager, et ils viendront. Comment je repars de là? Je suis l'Indien Zarbi à moitié à poil. Cool. Wayne's World, c'est un extrait du film. Alors, par exemple, le We Love Green Festival, festival de musique avec des tables rondes consacrées à l'environnement et des têtes d'affiches aussi de l'environnement, comme les têtes d'affiches de Greenpeace ou d'autres ONG, où les stands gastronomiques remplacent les stands de merguez. C'était un article dans Le Monde ce week-end. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ce genre de festival, Matt Bastard? Est-ce que vous Ouais. On a fait un truc en Bourgogne. Alors, putain, faut que j'essaie de me retrouver le nom. Mais c'était un truc, c'était genre musique et bouffe. Ah. Et en fait, il y avait un concert. Après, hop, le groupe se barrait. Puis il y avait des chefs. Ils faisaient des concours de gastronomie. Et après, ah, c'est bon et tout. Allez, un autre groupe. Mais c'est bien comme concept alors, ça. Ah ben, oui. Vous adhérez? Ouais, alors ça change vraiment. Donc il y a vraiment les grands messes du rock. Et puis il y a quand même encore des petits festivals qui essayent d'être un peu originaux. Les spécialistes là-dedans, c'est vous les Belges. Moi j'adore aller en Belgique parce que dans les festivals, parce que c'est souvent des ASBL, enfin des assos, et tu te retrouves dans, il y a plus rien sur le GPS. Et puis d'un coup il y a, tu vois, y a comme Dour par exemple, le Dour Music Festival. Ah non, pire que ça. Je parle, je sais pas, j'ai pas de nom. Voilà, comme Durbuy par exemple, où t'arrives au milieu de, bah, tu vois, Durbuy ça te parle. Ah, ouais, et puis t'arrives là-bas et puis tu te retrouves et hop, il y a 2000 personnes qui viennent là tous les ans parce que il y a ça. Et tu fais, mais c'est génial. Enfin, et c'est un super festival. Il sera comment votre été? Alors vous avez choisi 2-3 festivals à faire, notamment. Bah moi je repars à Los Angeles le mi-juillet, donc du coup on fait la fête de la musique là à Paris. On a le 21 dates. Juin avec un concert Place de la République, concert gratuit. Ouais, Paris, voilà. 21 juin. Après on a les Eurocaennes, après on a le Main Square ici à Arras, ça va être cool chez nous à la maison. Ah, oui. Et puis après on va au Luxembourg, en fait on est avec Muse. Vous allez en Suisse et au Luxembourg, donc c'est louche, hein, vous savez. Ouais, bah j'essaie de placer avant de rentrer aux États-Unis. Mais bien, raison. Très bien. Et vous serez aussi aux Eurocaennes de Belfort le 3 juillet. Skip the Use. Matt Bastard est avec nous et un autre guitariste, n'est-ce pas, Alex? Gros Zarek. Concurrent pour vous, attention. Notre punk à nous. Ah ouais. La plus-value, c'est qu'il caricature l'actualité en musique. Frédéric Promet est monté sur scène. C'est sa première et sa dernière fois, évidemment, dans un opéra. Mais on se réjouit. Je pense que vous allez rendre hommage, Frédéric, à la région, ou je me trompe? Enfin, hommage... Plutôt à l'opéra. Voilà, à l'opéra. Et... C'est parti. Quand vous voulez. Qu'est-ce que l'opéra? C'est comme l'Eurovision. Mais si on comptait les points, tout le monde aurait zéro. Oui, oui, oui, l'opéra, c'est le mauvais goût, pardon. Les chanteurs sont plus gras, mais tout aussi folklore. Ils sont aussi mal fringués, on dirait la Gay Pride. D'ailleurs, la flûte enchantée, vous m'avez compris. Oui, oui, oui, l'opéra, c'est comme l'Eurovision. C'est chiant, ça n'en finit pas, on comprend rien aux chansons. Oui, oui, oui, l'opéra, c'est des gens en chaussons qui esquissent quelque part dans des chorégraphies à la con. Tout est ringard, tout est truqué, c'est rien que de l'esbrouf. On les voit même pas manger dans l'opéra bouffe. Oh là là, je me rends compte que j'ai un petit côté castrat en fait. Ah ah ah, l'opéra, c'est comme l'Eurovision. Je parie qu'ils chantent en playback avec le volume à fond. Oui, oui, oui, l'opéra travaille pour Amplifon. Ça fait plus de dégâts qu'un réacteur d'avion. Je reviens 2 secondes sur la question du trucage dans l'art lyrique. À la différence de l'Eurovision, les femmes à barbe sont authentiques. Mais, l'opéra, ça peut être rigolo. Ça peut tenir 3 actes avec une blague de Toto. C'est Toto qui va au marché, qui demande un poulet rôti. Y en a plus, lui dit le fermier. Alors Toto demande un Pavarotti. La blague chantée par un baryton, je vous jure c'est vraiment marrant, mais je préfère quand même l'Eurovision qui n'arrive qu'une fois par an. Merci Frédéric Promet. Dans le foyer de l'Opéra de Lille, ce qui, vous vous en doutez, donne une saveur particulière à cette chanson de Frédéric Promet. Et là, vous avez très très bien savonné la planche pour Nicolas Demorand qui arrive juste derrière. Nicolas. Bonsoir Charline, bonsoir à tous. Eh oui, oui, oui. Bon, écoutez, restez quand même le public pour Nicolas Demorand dans l'International bientôt. Merci d'être resté avec nous. Merci Matt Bastard de Skip the Use. Merci à vous, merci, c'est super sympa. Ah, ben, on était ravis de vous avoir à domicile. Quelle chance de vous avoir entre Los Angeles et les différents festivals. On pourra retrouver cet été. Je rappelle, Little Armageddon Tour est sorti en CD et en DVD. Vous serez en concert gratuit Place de la République à Paris le 21 juin aux Eurocaennes de Belfort le 3 juillet. Merci Guillaume Meurice, Frédéric Fromet, Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek, Nicole Ferroni. Et on vous laisse le mot de la fin. Tiens, Nicolas Demorand, c'est pour vous, c'est pour passer la main. On reprend des nouvelles de Martine Aubry. J'ai pas le cœur à la fête, donc Martine va aller se coucher, Martine va fumer un pet, Martine va essayer de dormir, Martine va regarder la télé ou Martine va se passer un DVD. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous, Nicolas. Merci.